qui pourrait me rappeler? Qui pourrait me rappeler la définition qu'on a mis au tableau du filtre et qu'on va continuer aujourd'hui? Salaire, c'est l'équipe qui est venue. Je me salle du cours. Je me salle du cours. Mais vas-y, vas-y, ça m'intéresse. C'est la connaissance des mots religieux avec les profs d'italien. C'est pas mal. Avant qu'on étudie, tu aurais sorti ça. On aurait dit frère, il va avec. C'est pas mal. On va rajouter un petit peu. On va rajouter pas tout ça. C'est quoi ton prénom? Merci. Connaissant par des mouvements religieux, après les hommes, tirer des preuves détaillées. Tirer des preuves détaillées. Donc on a rajouté simplement un trait. Elle veut dire que c'est attrait aux hommes, pour enlever justement l'arrière-plan. Parce qu'il y a des jugements religieux qui sont attraits à l'arrière-plan, mais c'est pas ce qui est voulu dans le filtre. Et on avait détaillé la connaissance des jugements religieux, on avait parler des jugements un à un, cas des plus connus, les cinq, et il nous restait à voir le délit, c'est ça? C'est ça? Les délits. La chose qui est importante dans notre religion, comprendre à chaque fois lorsqu'on parle de sujet. Souvent, on est amené à parler ou à demander à une personne tel ou tel sujet, c'est quoi ton délit? Chose en bas, c'est quoi ton délit? C'est quoi ta preuve sur ce sujet? C'est une chose qui fait partie du dîner. Seulement, religieusement, il faut savoir qu'est-ce qu'un délit, une preuve. Une preuve religieusement. Est-ce que quelqu'un peut nous éclairer dessus? C'est quoi un délit? Hamza? Une preuve tirée du Coran. Donc un délit, ce qui a été tiré du Coran. Jid. As-Sunnah. Jid. Ça va. Shuaib, ça va? C'est quoi un délit? Une preuve religieuse. Tu peux m'en citer? La cité du Coran, Sunna. Ah, tu commences comme ça. Dis-moi. Le prier. Le prier, comme il a dit. Dis-moi. Le consensus des savants. Dieu. Un autre? J'ai pas entendu. Athar al-Sahaba. T'en as d'autres, Samir? Vas-y. Ah, tu veux faire le cours? Ah, je reste juste une réponse. Ah. Une preuve religieuse, ça m'a suffi. Voilà. Là, ben, tu veux une définition? Donc parmi les preuves qu'on a citées, on a cité le premier. Qu'est-ce que vous en pensez si on rajoute un petit taïd en plus? Une petite chose sur Sunna. As-Sahiha. Sans penser. C'est un peu mieux. Sunna. Authentique. Troisièmement, on a dit quoi? Ouais, c'est ça. C'est bon pour lui. C'est bon comme ça? Ok. Et on a dit FPS. Analogie, ça s'appelle ça. Est-ce qu'il y a deux L? Ce que je viens de mettre au tableau, les frères, c'est ce qu'on appelle un dalil dans la religion. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il n'y a pas d'autres dalil. Toutes les autres, ils reviennent à ça? Non. Ce que j'ai mis au tableau, les quatre, ça y est, le Qur'an, en premier. Parce que tout le monde ne voit pas le tableau. Le Qur'an, deuxième, sunna sahiha, troisième, ijma, quatrième, qiyas. Coran, sunna, consensus et analogie. Je vais expliquer, Inch'Allah. Samir. Toi, tu veux le micro, toi. Dis-moi. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et ça, c'est les quatre sur lesquels les quatre écoles sont. Sur les quatre écoles. Ce qui est les écoles. J'ai pas d'école pour l'instant. Ces quatre-là, ce sont les preuves que tout le monde est d'accord. Quels que soient les savants, que ce sont des preuves. C'est les preuves unanimement reconnues. Et tu parles avec n'importe qui, Qur'an, Sunna, Ijma', Qiyas. Unanimement reconnues. Et je ne rentre pas dans le tafsir. Il y a d'autres dalil pour certains savants. Mais ce sont des preuves sur lesquelles il y a des divergences. Comme par exemple, le frère ce qu'il a ramené, Qawl al-Sahabi. Si on n'a pas de hadith, on n'a pas de verset du Coran, et il y a un sahabi qui nous dit de faire telle ou telle chose, est-ce que c'est une preuve? C'est une divergence. Vous voyez? Est-ce que ça c'est pris comme une preuve ou pas? Amel Ahl al-Medina, c'est-à-dire ceux qui ont vécu à Médine. Le fait que les gens de Médine tous ils te disent, nous on a connu ça comme ça. Al-Adhan, il était de cette manière. Est-ce que c'est une preuve? Et il y a des savants qui voient que c'est une preuve. Et ainsi de suite. Il y en a d'autres, mais ce n'est pas le sujet. Simplement, je veux mettre en évidence les quatre dalils unanimement reconnus. Al-Qur'an. Ce qui est compris dans le Qur'an, bien évidemment, c'est ce que vous connaissez, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est non créée. Mais il englobe également toutes les lectures. Toutes les lectures font partie des preuves. C'est-à-dire, c'est pas tu vas au bled, ils sortent un mushaf de la lecture du Qaloun ou de la version du Warsh, et tu dis non, moi, c'est Hafs, pas de délire autrement. Tous, ils font partie le Coran qui est un dalil en soi. La sunna sahiha, ce qu'on a vu, pas ce lundi-là, le lundi d'avant, l'explication de qu'est-ce que la sunna, ça rentre dedans. C'est-à-dire toutes les paroles, tout ce qui est attribué entre les paroles, les gestes, ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, etc. Entre deux. Bien évidemment, lorsqu'on parle de dalil, on parle de sunna sahiha. La sunna qui est authentique. Amal hadith al-ta'if, au maudou' ou autre, il n'est pas pris en compte. Et on n'a pas le droit de se baser sur ça pour faire une œuvre. Pour faire une œuvre. Al-ijma. Je vais essayer d'être simple. Le but, c'est qu'on avance dans le cours. Al-ijma, pour faire simple, à une époque donnée, il y a l'entièreté des ulama qui sont unanimes sur un jugement. C'est un ijma. Après la mort de Nabi alayhi sallam. Comme par exemple, ijma al-sahaba. Sahaba, ils sont tous unanimes sur le fait d'enterrer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam là où il est mort. Ils ont divergé. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est mort, ils ont été pris de court. Il y a des sahaba qui disaient le mieux, on va l'enterrer dans tel endroit, d'autres dans tel endroit, jusqu'à que Abu Bakr radiallahu anhu est venu avec ce qu'il a entendu du prophète alayhi sallatu sallam. Nal anbiya yudfanun haythu matu. Les anbiya, les prophètes, vont être enterrés à l'endroit où ils sont morts. Et ils ont été tous unanimes sur cela. Ijma. Ijma al-sahaba, dessus. Al-ijma, c'est une chose qui va être peut-être un peu plus compliquée à émettre, à trouver. Mais il y a des savants qui sont connus et reconnus pour transmettre les sujets où il y a un consensus. Vous en connaissez ? Dis-moi. Et Abdelbar, Mashallah. Mashallah. Hafiz al-Maghrib. Samihou Naif. Nam, Ibn Abdelbar. Ibn Abdelbar, c'est un très grand savant d'Andalousie. Il est appelé Hafiz al-Maghrib. Et celui qui est de l'autre côté, Hafiz al-Mashriq, c'est celui-là, sont morts la même année. Hafiz al-Iraqi, Sahib al-Alfiya, fil hadith. Ouais. Donc il y a Ibn Abdelbar, rahimahullah, également, l'imam Ahmed, très connu, et il a un poids dans l'Ijma' Ibn Rushd, le petit-fils Ibn Rushd. Dans son livre Bidayat al-Mujtahid, il y a Ibn Hazm. Ibn Hazm, il a un livre qui s'appelle où il recense les masailles et les sujets, où il y a un consensus dedans. Il y en a d'autres, et il y a des différences de force. Il y a des ulama, lorsqu'ils te disent qu'il y a un ijma, tout le monde prend. Il y en a d'autres, regarde d'ailleurs, s'il y a d'autres personnes qui le disent. Comme Ibn Hubayra. Ibn Hubayra, il est connu, et souvent il dit ittafaqa al-ulama. Et souvent les ulama, ils disent que c'est pas forcément al-ijma. Al-ijma, comme j'ai dit, c'est une preuve en soi. Et comprenez bien ma parole. Je répète, comprenez bien ce que je vais dire. Al-ijma, lorsque moi, je vais dire ceci est haram. C'est quoi ton dalil ? Al-Ijma. Ce dalil-là sera le dalil le plus fort que j'ai pu trouver. Il n'y a rien qui est plus fort que ça. Que l'Ijma. Vous donnez le pourquoi. Une personne, elle te dit. Personne, elle va te dire l'alcool il est haram. Mon dalil, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il nous a dit de nous écarter de cela. Cette personne-là, on peut lui rétorquer des choses. Je ne dis pas qu'on a raison ou on a tort. Mais lorsque tu vas donner un verset du Coran, premièrement, ce verset peut être abrogé. va te dire le verset il a abrogé. Ou alors il va te dire le verset on ne comprend pas comme ça. فيؤول الآية الحديث de la même manière. C'est-à-dire le hadith il est ضعيف. Ou le hadith il peut être interprété de telle ou telle manière. Al-Ijma, il ne peut pas être abrogé. Il ne peut pas être interprété. S'il te dit il y a un Ijma sur le fait que la salat, elle est obligatoire, c'est fini. Il ne vient pas avec autre chose. Mais ça ne veut pas dire que la noblesse du Coran n'est pas au-dessus. Mais on parle de force dans l'istidlal. Le fait de venir avec une preuve, Ijma, c'est une force. C'est pour ça que les ulama font très attention à transmettre l'ijma de la bonne manière et qu'ils vont être pointilleux dessus. L'ijma, c'est quand il n'y a pas de preuve dans la salat. Non. Non, tu peux avoir, par exemple, fardiyat de salat. Qur'an, sunna, ijma. Ben, ils disent à al-muslim, c'est beaucoup plus fort. Comment ? Il y a pareil, moi, oui. Ça, c'est pour l'ijma. Est-ce que vous avez compris en gros c'est quoi l'ijma? Le but, c'est pas de poser trop de questions, les frères. On avance dans le cours. Hier, j'étais un peu déçu. Ah bon, t'as essayé hier. Donc, le consensus, du moment que il est prouvé qu'à un moment donné, les savants mujtahidines, ils se sont tous mis d'accord sur un jugement, plus personne n'a le droit de parler. C'est un jugement religieux, pas très. C'est propre aux compagnons ou c'est propre à... Le sahih, c'est que c'est pas propre aux sahaba. Al-Ijma, s'il a été prouvé, n'importe quelle époque. D'accord. C'est ça ta question ? Hein ? C'est bon. Quatrième dalil, c'est le qiyas. L'analogie. Qu'est-ce que l'analogie ? L'analogie, c'est un dalil qui donne une force extrême à notre dîn. C'est-à-dire que souvent j'entends des personnes qui disent ça c'est pas interdit parce que c'est pas marqué dans le Coran. T'as déjà entendu ça? Ça c'est pas interdit parce que c'est pas marqué dans le Coran. C'est une personne qui n'a pas compris qu'est-ce que l'islam. L'islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des dalils pour qu'on puisse trouver les jugements religieux. Mais comme l'islam et les jugements de l'islam sont pour toute personne, pour tout lieu et pour tout moment. Il n'y a pas un moment donné, comme ils sont en train de voir, on va réviser un petit peu nos lois parce que ça ne va plus. Il n'y a pas ça. On va durcir la justice parce que les lois, elles ne sont pas assez dures. La loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est intemporelle. Depuis la révélation, jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala enlève la science de cette terre, le Coran est d'actualité. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas choisi de nous donner toute chose haram en détail. Pas fait ça. Il ne faudrait pas un livre pour ça. Mais il nous a donné des règles. Et dans ces règles, cela va englober tout ce que tu vas trouver comme haram. On donne des exemples très simples. Une personne, elle me dit, Abdarrahman, moi, je consomme de la cocaïne. C'est pas interdit. Il n'y a pas ni de verset, ni de hadith. Pourquoi tu veux que ce soit haram? Nous, on lui dit non. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des règles pour interdire toute substance qui va altérer ta raison. Tout ce qui va altérer ta raison rentre dans le terme muskil. Et tout ce qui va plus ou moins enivrer est haram. Hadith clair. C'est une règle. C'est une règle. Et de cette règle-là, emmène toutes les boissons enivrantes, quelles qu'elles soient. Emmène toutes les drogues, quelles qu'elles soient. elles sont interdites par le Coran et la Sunna. Dites, mais d'attendre que dans le Coran tu vas trouver est-ce que j'ai le droit de faire telle ou telle chose de notre temps? Est-ce que Internet est halal ou haram? C'est pas dans le Coran. Ah, notre dîn, il parle pas de ça. Non. On a des règles pour juger, justement, tous les sujets, quels qu'ils soient. Et le qiyas fait partie de ces dalils. Parmi les preuves, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné justement cette balance. Al-qiyas. Si je prends par exemple sur l'alcool, on va dire tout ce qui enivre, qui altère la raison. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit al-khamr. Al-khamr, son dénominateur commun, quel qu'il soit, c'est qu'il va altérer ta raison. L'analogie, c'est de dire toute chose qui va altérer ta raison rentrera dans le khamr. C'est une analogie. Et le qiyas, il y en a beaucoup. Et avec ça, en vérité, c'est très simple de montrer qu'une chose est haram ou halal ou autre. Quatre dalils. Donc le fiqh. Pour revenir à notre définition. Le fiqh, c'est donc la science ou la connaissance des jugements religieux qu'on a vu. Halal, haram, wajib, mubah. De savoir et de comprendre et de connaître les jugements religieux attraits à tout ce que l'on va faire comme œuvre dans notre dîn, dans la vie de tous les jours, quel que soit, que ce soit dans le dîn, dans la dunya, on peut juger. Et on va se baser sur des preuves pour rendre cette chose-là obligatoire, interdite, détestable, ou recommandée, ou permise. On va se baser sur des dalils. À la tête de ces dalils, ce qu'on vient de citer ici, le Qur'an, Sunna Sahiha, Al-Ijma, Al-Qiyas. Puis j'avais rajouté Al-Tafsiliya. Je vais essayer de faire bref, pour qu'on avance dans le fiqh a cette particularité de s'occuper de chaque sujet, chaque situation, et de trouver un dalil pour chaque situation. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre des preuves qui vont être de manière globale, et je vais expliquer, ou des preuves qui sont particulières. Je reviens sur l'exemple, par exemple, de la salat. On va dire, quel est le jugement religieux de la salat ? Khams salat, les cinq prières. Nous disons, al-hukm shar'i huwa al-wujub. C'est une obligation. C'est quoi le dalil ? Comment ça se fait que je suis arrivé à ce résultat ? Je vais dire, car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, aqimus salah. Ce dalil-là, écoutez bien, ce dalil-là, il a été propre pour la salat. Aqimus salah. Ce terme-là, dis-moi. Et quoi ? Non, rien. C'est bon. C'est parti ? C'est pas parti. Normal, vas-y. Non, après. D'accord, c'est un truc de fou. Non. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit précisément Aqimu salat. On parle de salat et il nous a donné ce terme, Aqimu. Moi, je suis dans le fiqh et pour venir prouver l'obligation de la salat, j'ai ramené ce verset-là. Mais, les frères, au préalable, il y a une règle générale qui est passée avant. Essayez de me faire comprendre. Aqimus salah. Comment on traduit en français ? Accomplissez la prière. Plus ou moins. Accomplissez la prière. C'est le dalil que j'ai avancé pour dire que la prière est obligatoire. Jusqu'à là, tout le monde va venir normal. En fait, je n'ai pas fait de lien. Si vous regardez. J'ai besoin d'extraire une autre règle pour comprendre que c'est obligatoire. Cette règle-là, elle a été prise auparavant par d'autres ulama qui ne sont pas dans le fiqh, façon de parler. mais qui sont dans une matière qui s'appelle Usul al-Fiqh. Ils ont pris une règle qui est Al-Amr al-Mutlaq yufid al-Wujub. C'est-à-dire que l'ordre, de manière générale, implique forcément l'obligation. Est-ce qu'on parle de la salat ici? Non, c'est pour ça qu'il est général. Je vous ai perdu. Ici, la première règle qu'on va prendre, c'est de dire que du moment qu'il y a un ordre, quel que soit l'ordre, ton père, il vient et te dit, va me chercher un verre d'eau. Tu penses que tu as le choix? Ou c'est une obligation tout de suite là? C'est une obligation. Pourquoi? Parce qu'il t'a ordonné. C'est une règle. Dans le Coran, dans la Sunna, c'est la même chose. La règle de base, c'est tout ordre implique l'obligation. C'est une règle de base. Après, il y a d'autres dalils qui peuvent amoindrir ou pas cet ordre. Mais ils ont pris cette base-là avant. Et cette base, elle ne fait pas partie de notre règle. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre domaine. Nous, notre domaine, c'est de l'avoir déjà, je la connais. Et je vais chercher des dalils précis sur la salat. Je cherche sur la salat dans le Coran et j'ai trouvé wa aqimu as-salat. Moi, je connais déjà la règle. Et j'ai trouvé le dalil particulier pour mon jugement. Aqimu as-salat nous montre l'obligation de faire la prière. C'est ça le fiqh. De prendre un dalil particulier à la situation. Et pas la règle de base qui est que l'ordre. Il implique l'obligation. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Vous avez compris, les frères? Vite fait. On ne peut pas faire mieux. En tout cas, ce qui veut dire que dans le fiqh, on va connaître le jugement religieux, shari, de tous les actes d'une personne. On parle d'actes, on parle également de paroles. Et cela est basé sur des preuves. Et ces preuves-là, elles sont toutes particulière à la situation qu'on est en train de voir. As-siyam, obligatoire. Ya ayyuha alladhina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala va nous ordonner de cette chose propre au siyam. De faire du riba, haram. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de faire cela. Tout est propre à la situation. C'est ça qui est voulu en gros. Sur cette partie, y a-t-il des questions? Ouais, c'est toujours les mêmes. Omar, y'a plus? Ça va, dis-moi. Ali Dumer, c'est à partir de combien de savants? Une autre question? Elle parlait de preuves particulières. Trop précis. T'as dit une preuve globale. Ce que j'ai dit. Al-Am lui fait de l'oujou. Là, c'est global. C'est global, c'est particulier. Aqim al-Salat. Propre à la salat. Pas de question. Pas de question. Alhamdulillah. Très bon, on va passer à autre chose. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il nous reste une petite demi-heure. J'aimerais vous faire voyager. Gratuitement. J'aimerais vous faire voyager. Qu'on apprenne ensemble comment le ilm, de manière générale, ou le fiqh, de manière particulière, s'est propagé. Comment le fiqh s'est constitué et s'est propagé pour arriver à ce qu'on a devant nous aujourd'hui. En une demi-heure. Pas sûr. On va essayer. Première des choses. Je vais essayer de vous faire voyager. La première des choses, le fiqh. Bien évidemment, il est apparu en même temps que la révélation. Le fiqh est apparu au moment de la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète alayhi sallam, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna, la législation de l'islam. Tout ce qu'on devait avoir comme connaissance et l'obligation dans la croyance ou autre. Dans la vie du prophète alayhi sallam, les ulama ont donné deux périodes. Dans beaucoup de sciences, ils ont divisé la vie du prophète Ali sur Salem en deux époques. Vous savez, c'est laquelle ? Ils appellent ça Al-Ahd Makki ou Al-Madin, c'est-à-dire l'époque mekkoise et l'époque médinoise. Makki, Madani. Ce qu'il y a entre les deux, c'est la Hijra. C'est-à-dire, c'est véritablement le moment où ils ont séparé la vie du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam en deux. Et cela dans plusieurs sciences. Parce qu'il y a une incidence. Donc, comme vous le savez, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a eu la révélation. Et Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à lui inculquer des choses à travers le Coran. Lorsqu'on était dans l'époque de Mecca, cette époque-là, comprenez qu'il n'y avait pas beaucoup de musulmans. On est parti d'un homme, puis d'une poignée, et ils étaient tous inférieurs en nombre et en force. Et il y avait, bien évidemment, les koufars de Quraysh qui étaient présents à Mecca et qui, eux, avaient la domination et qui en profitaient pour rabaisser, torturer, peut-être même tuer les sahaba de cette nouvelle religion qui apparaissait. Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, dans une époque de petit nombre, de faiblesse, il a éduqué les sahaba en premier lieu sur une croyance ferme pour rendre les gens solides. Donc tout au long de l'époque de Mecca, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans le Coran des versets attrait à la croyance, mais également des preuves concrètes ou métaphoriques aux mécréants pour leur montrer que l'au-delà existait. Tous les versets où tu vas voir, tu vas lire qu'Allah subhanahu wa ta'ala démontre que dans cette vie d'ici-bas, on fait telle ou telle chose, ça fait ce résultat-là, parce que dans l'au-delà, ce sera la même. Il y a beaucoup, beaucoup d'exemples dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que d'une terre morte, craquelée, sèche, s'il fait couler de la pluie dessus, à ce moment-là, elle va trembler, s'ouvrir et laisser pousser des plantes. Il dit, c'est comme ça que vous serez ressuscité. Et il fait l'analogie. Il montre à ces gens-là du concret pour leur montrer l'idiotie de ne pas croire à cela, dans l'au-delà. Donc il y a beaucoup de versets où Allah subhanahu wa ta'ala ne s'adresse pas directement aux musulmans, mais il s'adresse à l'entièreté des gens. Donc souvent, tu vas voir des versets qui disent « Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum » etc. Ô vous les gens, Allah subhanahu wa ta'ala va révéler beaucoup de versets sur l'au-delà. Yom al-Qiyamah, la description du jour dernier. Mais également, tout ce qui est du domaine de la croyance. Tout ce qui a trait à la croyance. Pour raffermir justement les croyants. Mais en ce qui concerne le tashri'a, c'est-à-dire la législation en elle-même, si on peut dire le fiqh, il n'y avait pas grand-chose. Ce n'est pas le moment. Allah Azza wa Jal, il est le plus sage. Il va enraciner en premier lieu la croyance pour que l'acceptation et la soumission soient totales. Et lorsque Nabi Alayhi Salam ainsi que les Sahaba sont passés à Médine, à ce moment-là, la législation a été révélée. Et lorsque l'on voit la manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a de s'adresser dans les versets de Médine, tu verras que ce sont des versets qui sont beaucoup plus doux. Il interpelle les croyants. « Ya ayyuhal ladina amanu » Et il va révéler ainsi la salat, comme on la connaît. Zakat, Soum, Hajj, Bay, Riba ou autre. À partir du Ahd al-Madani, une fois qu'on est arrivé à Médine. Bien évidemment, c'est à ce moment-là que l'islam a commencé à avoir énormément de musulmans, d'adhérents, et la foi était beaucoup plus grande, beaucoup plus forte, beaucoup plus solide. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre petit à petit, année après année, les obligations et les interdits. C'est ainsi que les sahaba ont pris de Nabi sallallahu alayhi wa sallam le fiqh et le ilm de manière générale. Il y avait des situations, et de ces situations, Allah subhanahu wa ta'ala descendait des versets pour ordonner, pour interdire, pour montrer comment faire, et il prenait ainsi du Coran ou de la bouche du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ou alors de ses agissements, hadith. Il arrivait aux sahaba de faire des ijtihad à cette époque. Mais cela n'est pas considéré comme un qiyas chez les ulama à l'époque des sahaba et de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'en vérité, une fois qu'eux, ils ont fait cet ijtihad, ils faisaient quoi? Ils allaient voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, soit il oriente, c'est un hadith, soit il va acquiescer. Et c'est un iqrar. Et ça rentre dans le hadith. Ça rentre dans le hadith. Donc même s'ils avaient, de temps à autre, ils partaient à des endroits, il leur arrivait des choses, il fallait qu'ils agissent. Donc ils agissaient. Puis ils revenaient voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et lui demandaient. Guide, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit, etc. Hadith de Fatiha sur Ruqya. Vous connaissez ? Ils sont partis, une partie de Sahaba, ils ont trouvé un qaoum, ils leur ont demandé l'hospitalité, ils l'ont refusé. Ils ont refusé les Sahaba, c'est-à-dire le qaoum, les peuples, a refusé aux Sahaba l'hospitalité, et ils ont quand même demandé, c'est-à-dire l'audace, de dire voilà, on a notre chef, il est gravement malade, est-ce qu'il y a une personne d'entre vous qui fait Ruqya ? Les Sahaba, ils ont dit, on veut bien faire lui faire Ruqya, mais il faut nous donner de l'hospitalité. On est des voyageurs, on n'a plus rien. Donc il a fait Ruqya. Allah Azza wa Jal l'a guéri par cette cause et ils ont pris de la viande. Ils sont revenus voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'ici, ijtahad. Ils n'ont pas un texte, ça ne fait rien. Ils ont œuvré, ils ont ijtahad. Ils sont venus voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, qui vous a appris que c'était une Ruqya ? C'est-à-dire Aqar. Donc c'est devenu un hadith, c'est pas un ijtihad. Donc de l'époque de Nabi alayhi sallam, les sahaba ont pris le fiqh de la bouche de Nabi sallam, de la révélation du Coran, de la sunna et de ce que Nabi sallam mettait en application tout le temps. Après il y a eu la mort de Nabi alayhi sallam. À ce moment là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un dalil en plus qui est apparu, l'ijma'. Ils disent le premier ijma', c'est ijma' al-sahaba, à la dafn al-Nabi alayhi wa sallam. Il est mort où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Tu as entendu un truc de ouf à voir? Mohamed. Il est mort? Pas le mort dans le masjid? Je t'avais dit il n'y a pas longtemps. Pas mort à midi. Il est mort à midi, mais pas mort. Ah, il est mort. Non, il est mort dans la maison de Aïcha, radiallahu anha. Et souvent, je raconte un peu cette histoire, mais aujourd'hui, il n'y en a pas trop. Je suis désolé. Donc, Nabi al-Sallam, lorsqu'il est mort, les Sahaba, ajma'ou, par la suite, après avoir divergé sur l'endroit où ils allaient l'enterrer, ils sont tous unanimes sur le fait de l'enterrer à l'endroit où il est mort. Et il est mort dans la maison de Aïcha, radiallahu anha. El-Qiyas, par la suite, les Sahaba, bien évidemment, ont eu recours à cela. Mais il y a beaucoup de hadiths qui montrent que les Sahaba ont été, entre guillemets, entraînés par le Nabi alayhi sallam. L'analogie. C'est-à-dire qu'il leur a montré la manière de faire cette chose-là dans plusieurs hadiths, et les Sahaba avaient un minimum de connaissances comment faire le qiyas, et avec des versets dedans, radiallahu anhu. Et s'est créé à partir de là des Sahaba, parmi eux, ou certains Sahaba, qui étaient connus pour le fatwa, d'avoir énormément de fiqh, de connaissances, et de délivrer des fatwas, des jugements religieux, à des situations particulières. Et les Sahaba ont été catalogués. C'est-à-dire les ulama, par la suite, ils ont catalogué les Sahaba en entre ceux qui ont fait le fatwa, ceux qui sont moyennement, et d'autres moins. Et il y a des Sahaba qui étaient connus pour Al-Mukthirun, ceux qui ont fait énormément de fatwas.